LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Je m'appelle Soulès Michel. Je suis né le 23 septembre 1961 à Carcassonne. Donc je suis maire d'un petit village. Mes parents vivaient dans une décharge publique qui s'appelait la Cavaya. Donc c'est une décharge municipale qui appartenait à Carcassonne. Donc, et tout le monde venait jeter tout. À l'époque, c'était... de tout, du bois, des branches, des poubelles ménagères, des restes d'animaux, de l'abattoir, enfin, c'était vraiment... Dans l'ombre de l'antiziganisme, quatrième épisode, la politique de la décharge. Et nous, on vivait dans une baraque que mes parents avaient fait en tôle. Donc il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Ça me semblait tout à fait normal de vivre dans cet environnement. Je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse. Et mes parents ont toujours été là, mon père a toujours bossé. On a toujours mangé, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, je devrais revivre ça. Je pense que je me panne de suite. Mais ce n'est pas par hasard. Si petit, Michel Soulès, désormais maire de Berriac, s'est retrouvé à vivre sur cette décharge avec sa famille. En fait, jusque-là, il y avait une communauté gitane qui vivait à Carcassonne. Et au moment où la municipalité, après-guerre, a voulu rénover le centre-ville, c'est toute cette communauté qui a été expropriée, dont la famille de Michel Soulès. Johanna Rubio, anthropologue. Ils ont délogé avec la manière forte, hein. C'était des bus entiers qui les amenaient justement à la Cavaillère et sous escorte policière. Et en fait, la politique, c'est les politiques de la ville, et elle a justifié ça en disant qu'il fallait développer le tourisme. Donc forcément, on les a pouf. Donc dès la fin des années 50, en fait, on a eu un déplacement de population avec une assignation sur des territoires qui étaient totalement inhospitaliers. En 69, il y a eu un gros incendie donc, dans ce dépotoir. Puis, qui s'est passé, il y a des associations comme à l'époque c'était la MPG, défenseur de cette communauté qui avait là. Parce que vous êtes gitan, vous ne l'avez pas dit ça. Ah oui, je suis gitan. Oui, je suis gitan et fier de l'être. Mais je suis français avant tout. C'est ce de culture gitane. Donc cette association, intervenu au niveau de la mairie, au niveau des institutions, du département, tout ça, pour dire que de toute façon il y avait eu cet incendie, et vu le nombre de produits toxiques qu'il pouvait y avoir, et bien avec le feu, tout ça, donc il fallait impérativement faire partir cette communauté ailleurs. Il y avait beaucoup de familles sur cette décharge, sur ce département? À la base, peut-être une dizaine de familles. Et donc, suite à cet incendie, la solution a été trouvée avec la mairie de Berriac en dépannage, c'est-à-dire faire vraiment des petits blocos. Mais alors, quand je vous dis des blocos, c'est des blocs béton pour accueillir quelques familles, hein, une dizaine, je crois. Un des points d'entrée pour comprendre la façon dont s'organisent les politiques à l'égard de ceux et celles que l'État nomme les gens du voyage, c'est de voir comment se sont mises en place les politiques du logement qui les concernent. Une politique qui ressemble à une relégation. Et la cité de l'Espérance, pas loin de Carcassonne, à Berriac, une cité gitane, comme on disait à l'époque, avec ses logements HLM plus que sommaires, inaugurée en 1969, en est un exemple frappant. Et notre guide ce jour-là, dans le vent et le soleil de novembre, c'est l'anthropologue Johanna Rubio, dont la mère gitane a vécu Cité de l'Espérance. Johanna Rubio, on est là donc presque à l'extérieur de Berriac, mais encore un peu à Berriac. Et on est là dans une petite ruelle. On a une très belle vue d'ailleurs au loin. Et alors à notre droite, il y a une maison avec une voiture qui est garée, une caravane. Et par contre, à notre gauche, il y a un grand mur avec des barbelés au sommet du mur et qui entoure des pylônes électriques. Céleste et l'Espérance avec cette massive usine électrique. Les maisons étaient construites par contre collées à la centrale de ce côté. Voilà, ma mère, elle habitait ici. Et en fait, il y avait cette maison. Alors au départ, la maison, c'était ça. Et donc c'est une maison en parpaing qui est toute petite avec un toit en tôle. Ouais, toute petite. Ça abritait les parents et les enfants en bas âge, leur chambre. C'était des carcasses de voitures qui étaient désossées et on avait ou des bus qui avaient été pareil désossés et où on aménageait on mettait des matelas, etc. Par contre, voilà, l'école était très très loin et tous les matins, il fallait faire je ne sais plus combien de kilomètres juste pour aller à l'école. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et le premier habitat sur ce terrain-là qui a été proposé, ça a été un wagon. Alors bonjour la symbolique. Donc un wagon qui avait, je crois, été acheté par la Croix-Rouge parce qu'il avait été cédé par la SNCF. Donc là, on est en fin, ça doit être sur octobre 67. En 68, ils ont décidé de construire des logements HLM qui ont été terminés fin 69. Donc pendant 2 ans, ils ont vécu en fait dans des conditions dramatiques. Et Cité de l'Espérance, c'est d'ailleurs son grand-père qui l'a nommé comme ça. Mmh. Et Espérance, c'est pas espoir. Je suis en train de rechercher. Oh, mais qu'est-ce que c'est merveilleux ce nom et très poétique. Je suis en train de rechercher la photo, j'ai une photo de ça. Oui. La cité de l'espérance. Non, c'est pas l'espoir. Espérance, c'est simplement la cité de l'attente, parce que espère en gitan, ça veut dire attendre. À la base, c'était une cité de transit. Mais ça fait 50 ans que ça dure, et au contraire, et ça va se prolonger encore. Voilà. Donc, pour revenir donc, sur moi, donc, on est revenu chez Cité d'Espérance, moi j'étais content, j'ai retrouvé toute la famille. Puis il y a eu une création d'une école digitale dans la cité gitane. Donc, à l'époque, moi, ça m'allait très bien. Je me suis dit, comme ça, moi, on est entre nous. Voilà. Le plus qu'il y avait sur cette école, c'est qu'on avait un prof qui était catalan et qui nous parlait quasiment notre langue. On n'avait pas besoin de parler français. Et la plus grosse difficulté s'est retrouvée pour moi le jour où j'ai dû rentrer au collège. Puisque là, je me suis retrouvé... il n'y avait pas que des gitans, là, du coup. Je ne comprenais rien ce qu'on me disait, quoi. Mais à l'époque, donc, ce qu'on faisait, c'est que les... Parce que pour eux, c'était une communauté un peu spéciale. Là. On m'a mis au fond... Je retenais quelque chose, tant mieux pour moi. Je ne retenais pas, mais tant pis pour moi. Quoi. Mais à 16 ans, quand j'ai fini l'école, mes parents m'ont dit « Bon, demain, on va à Béziers, on va te marier. » Ah, bon, puisque de mon époque, ça se faisait. Je m'appuyais chez mes parents. Si mes parents disaient qu'il fallait que je me marie, c'est que... Voilà, c'était comme ça, quoi. Et bien voilà, je me suis retrouvé dans 17 ans marié, ça rien quoi, ça n'a aucun bagage, puisque moi, niveau scolarité, j'ai rien appris. Hein. Donc j'ai fait beaucoup d'intérim, et puis je me suis dit, il va falloir quand même que je me mette au niveau scolaire, alors j'ai dit tant pis, je vais tenter un CAP de maçon, puisque le maçon quand même, ça a tendance à bosser. J'ai passé un stage, j'ai eu mon CAP de maçon. J'étais quand même une certaine fierté quand même. Je me suis dit, malgré tout, voilà. Donc, j'ai continué. Après, j'ai passé un BAFA. Après, je me suis occupé d'une association qui s'appelait la GMK, qui est une association qui avait été ouverte à l'époque par mon grand-père, justement pour aider la communauté gitane qui avait des soucis. Et à travers la GMK, on a fait des ateliers musique. Et c'est vrai qu'à travers cet atelier, donc, c'est vrai que je me suis fait connaître en tant que président de cette association. Du coup, j'ai été reconnu un peu dans le milieu non-gitan pour dire, il s'occupe de l'association et tout. Donc après, c'est la mairie qui m'a contacté pour être adulte relais. de là aussi, adulte au relais, c'est un médiateur, hein, tout simplement. Hein. Donc, j'ai passé un diplôme de médiateur aussi. Voilà. Donc, voilà, j'ai travaillé à la mairie. J'ai travaillé de 2003 à 2013. Donc, en tant que directeur de la GMK, pour m'occuper des aires d'accueil. Voilà. Et donc, voilà, je me suis retrouvé maire. Michel Soulès, est-ce que, parce qu'on associe souvent, on se dit, bon, ben voilà, les gitans, ou en tout cas les gens du voyage, ils sont itinérants, mais vous, quand vous racontez l'histoire de votre famille, vous n'êtes pas du tout itinérant. Non. Nous, on n'est pas itinérants. Moi, mes parents sont de Carcassonne depuis trois générations, quoi. On est des Carcassonnais. Donc, le voyage, moi, je ne connais pas du tout. D'ailleurs, je me proposerai la meilleure caravane, le meilleur camion du monde, j'en voudrais pas. Je peux faire un cabanon dans une vigne que pendant une caravane. Et... Non, c'est pas du tout. Nous, on est géantaires, on est carcassonnés, quoi. Donc, pour résumer, au départ, il y a une communauté qui vit depuis des siècles dans le centre-ville de Carcassonne, mélangée au reste de la population. On décide d'exproprier cette communauté car on veut assainir le centre-ville dans un souci d'hygiène et de lutte contre les taudis. Du coup, logique, on installe cette communauté sur une décharge. La décharge brûle, on décide du coup, pour les mettre à l'abri et hors de danger, de les installer dans des wagons de chemin de fer inutilisés en attendant que soit fini de construire 23 logements HLM spartiates et de mauvaise qualité, un peu à l'extérieur d'un village, juste à côté d'une centrale électrique. Et puis ensuite, évidemment, on reproche à cette communauté de vivre repliée sur elle-même, de ne pas se mélanger et de mal entretenir les logements. Et ces cités de transit, il y en aura beaucoup. Sur Berriac, on est sur une cité de transit, une des premières en France et une surtout des premières réservées aux gens du voyage, entre guillemets. Et au début des années 70, hein, on retrouve ça aussi à Montpellier avec la cité Montaubérou, on retrouve ça aussi avec le hameau d'Igane du Plan de Grâce. Quand les gitans étaient en centre-ville, il y avait une articulation entre le local et le global qui était plutôt correcte, entre guillemets. Ils étaient identifiés, on savait qui habitait où, qui faisait quoi, etc. Quand on les a déplacés à la Cavaillère, on ne savait plus qui était qui, et c'était une masse. Et quand on les a mis et déplacés encore une fois, et ça a été pire, à Berriac, à la Cité de l'Espérance, comme ils sont cachés derrière ce transfo EDF, et bien là, on n'a plus du tout pu les identifier. Et c'est à partir de là que je me souviens, par exemple, ma mère ou certaines de mes tantes ont dit, c'est quand on nous a mis là que j'ai commencé à ressentir le racisme. Parce qu'ils disaient, oui, les gitans. Et du coup, on en a fait une masse complètement homogène, ce qu'ils ne sont absolument pas. Laure Mouchard est sociologue. Elle a travaillé sur la question des cités de transit réservées à ceux que l'administration française appelle les gens du voyage. Comme cette catégorie racialisante d'origine nomade le laisse supposer, on considère pendant un certain temps que les personnes par ailleurs identifiées comme sédentaires conservent de supposer... caractère lié au nomadisme. Donc il y a toujours en arrière-plan cette question de la sédentarisation, de l'accroche à un territoire, alors que de fait ces populations étaient déjà accrochées à un territoire duquel elles ont été exclues. Il y a aussi des logiques de relégation et d'excentration. C'est le cas dans un certain nombre de villes quand il s'agit de revaloriser par exemple des centres urbains touristiques. Et enfin, troisième logique, c'est la logique de l'adaptation. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'acteurs sociaux engagés dans les projets de relogement, il y a l'idée que isoler certaines populations permet de faire accéder cette population qu'on considère comme n'ayant pas atteint un stade de civilisation aussi développé que le reste de la communauté nationale, ça permet de les faire accéder à cette espèce de standing national. Et ce sont des mots qui sont mobilisés. Lise Foineau, anthropologue et historienne. Le hameau du Plan de Grâce ouvre ses portes en 1966. Et il est appelé par l'administration hameau d'Igane. Il regroupe des Sinti et des Roms qui voyageaient dans la région du Var et des Alpes-Maritimes. Les personnes qui ont été les premiers habitants de ce hameau sont en fait les enfants, voire même les personnes qui ont été assignées à résidence dans le département du Var pendant la Seconde Guerre mondiale et qui se sont retrouvées en fait dans une grande pauvreté après-guerre. Donc quand ouvre le hameau Tzigane en 1966, il est vu comme une expérience qui permettra de voir si finalement ces populations de Roms, de Sinti peuvent être sédentarisées. Et ce hameau Tzigane va notamment aussi attirer l'attention d'un certain nombre de sociologues, d'universitaires, d'anthropologues, etc., qui vont voir ce lieu comme un moyen d'aller observer comment vivent les Sinti et les Roms sur le territoire français. Alors, quand on présente les choses comme ça, on voit bien que le hameau de Tzigane, c'est un lieu de sédentarisation forcée. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi un lieu de vie qui a été très important pour les personnes qui y habitent encore aujourd'hui et qui, peut-être, ne raconterait pas l'histoire du hameau de la même façon que je suis en train de le faire tout de suite. Et ça, j'en ai bien conscience. Et je pense notamment au projet avignonné de la Cité du Soleil qui est conçu par l'architecte Georges Candilis, qui voit l'occasion ici de réaliser un projet futuriste et qui en fait réalise un projet éminemment folklorisant basé sur une appréhension racialisée des populations qui mentionne la tribu, qui mentionne ce genre de termes et qui va par ailleurs créer un projet excessivement précaire et qui prend la forme de trois arènes nommées Sarah, Esmeralda et Carmen pour parfaire le projet folklorisant. Et donc ces projets, parfois, ils reprennent les atours du bidonville, en fait. Et donc, ces projets qui avaient vocation soit à la rénovation urbaine, soit à la résorption des bidonvilles, se retrouvent en fait être eux-mêmes des bidonvilles. Et assez rapidement, puisque leurs matériaux et les infrastructures, de manière générale, étant plus ou moins précaires, ce phénomène arrive assez rapidement. Cette sédentarisation par un contrôle étendu de la loi 1912. On continue de donner des carnets anthropométriques, de ficher les nomades assez régulièrement jusqu'en 1969, mais aussi par l'établissement de lieux spécifiques qui sont des lieux d'habitation où les personnes dites d'origine nomade vont être rassemblées sous la surveillance non pas de la police mais de tout un lot d'assistants sociaux, travailleurs sociaux, associatifs qui sont là pour finalement apporter la civilisation là où elle ne serait pas. Et quand on regarde cette histoire, moi je pense à chaque fois au texte de l'anthropologue Pierre Clastre sur l'ethnocide. Un ethnocide, c'est quoi ? Un ethnocide, c'est rassembler des personnes qui n'ont rien en commun et sous prétexte d'amener la civilisation et de faire des choses humanitaires, on va finalement déposséder des personnes de leur culture, de leurs pratiques, de leurs habitations, etc. On crée précisément ce qu'on essaye de combattre. Il y a tout un discours des porteurs de projets à cette époque-là qui vise à préciser que cette population refuserait de s'intégrer à la communauté nationale, aux communautés locales, aux communautés municipales et que donc ces projets de cités de relogement favoriseraient leur intégration, etc. Et en définitive, ce qu'on voit, c'est que précisément, ça coupe les ancrages locaux que tout un chacun possède déjà. Ça coupe aussi des ancrages liés au travail, bien évidemment. Et puis, la plupart du temps, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est qu'il n'y a pas toujours, en fait, pas fréquemment, d'amélioration au niveau des conditions de vie. Il y a eu des études qui ont été faites par rapport à l'impact de cette usine sur la santé des habitants. Dès 2008 et 2009, il y a une étude qui a été faite, mais qui a été réalisée simplement en allant voir les médecins traitants des habitants. Les conclusions, c'était qu'il n'y avait pas particulièrement de pathologie cancéreuse, etc. Et la dernière conclusion, ça a été qu'il n'y a pas de danger si on vit à moins de 100 mètres, ce qui correspond en fait à la législation où on ne peut pas construire de part et d'autre de lignes électriques, très haute tension. Et donc on sait pourtant que ça cause des maladies. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme maladies? Il y a un nombre important de cancers, de leucémie notamment, et de cancers de la thyroïde. Il y a un taux d'infertilité qui est aussi supérieur à la moyenne. Il y a des migraines, il y a des maux de tête et des problématiques cardiaques qui n'ont rien à voir avec l'alimentation, etc. Et qui seraient en lien avec les champs électromagnétiques dégagés par les lignes haute tension. Regardez les lignes d'attention là. On les enregistre. Vous habitez là depuis longtemps? 50 ans. On a eu tout le temps comme ça, il y a encore vous, vous venez quand il fait bon. Mais quand il pleut, vous entendez comme une bougie de moto là. Vous savez que ça fait bzzz pareil. Et ça fait. Ça fait longtemps. Hein. Il y a c'était un petit derrière. Poste. Parce que c'est dangereux. Vous croyez qu'avec ça, hein? Et moi, je ne suis pas expert. Hein? Mais bon, comme ça, hein? Michel Soulès, maire de Berriac. Ah ben, c'est dangereux, oui. On a essayé de faire des relevés. Je me suis battu pendant des années, et puis derrière, il n'y a rien qui se passe, puisque nous... Il y a eu 15 familles qui ont fait un dépôt de plainte d'arche et tout. Il y avait un expert qui avait été pris par un jeune. Cet expert a dit c'est vraiment dangereux, faut pas habiter ici. Il s'est passé au tribunal. Le juge a fait valoir qu'il n'avait pas les agréments, cet expert, pour faire ça. Donc, compte ce bêtise par un autre bureau d'experts. Et honnêtement, aujourd'hui, il a eu la contre-expertise de l'autre expert. Il n'y a pas eu d'autre jugement. Et moi, on m'a dit, ne t'attends pas à un jugement, il n'y aura pas de jugement, ça s'arrête alors. Parce que je pense que y a la pression quand même de l'État, parce que RTE, c'est quand même l'État aussi. Il faut dire que si un juge prenne la responsabilité de dire non, il n'y a pas de risque, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de juges qui veulent le faire. Donc du coup, on ne se prononce pas, comme ça, moi, on n'est pas... Et voilà, et nous, on est complètement dans le flou, quoi. Et donc, ça a duré des années, hein. J'ai fait des reportages, je suis passé sur France 5, Canal Plus, on avait des articles même dans Le Monde, il y a eu même la BBC qui m'a contacté, qui a fait un article sur moi. Bon, mais voilà, on en est là, et aujourd'hui, de toute façon, j'ai plus d'arguments, voilà. Alors, je crois que c'est le tribunal administratif de Coutances qui a reconnu cet été... Après, je crois, 10 ans de procédure, les effets délétères des ondes électromagnétiques liées à l'implantation de lignes à très haute tension sur des vaches qui ne produisaient plus de lait et qui tombaient malades, avec un éleveur qui a perdu, je crois, la moitié ou près de la moitié de son cheptel. Du coup, en juin 2022, ça a été reconnu et il a été indemnisé. Donc forcément, ça doit bien reposer sur... des études qui prouvent qu'il existe des effets néfastes pour la santé des animaux. Et forcément, si c'est néfaste pour les animaux, ça l'est aussi pour les humains. Mais visiblement, les gitans ne font pas le foie face aux vaches. Monsieur le bon Dieu, venez-moi. Au nom du Père, des fils, des fils. Regardez, venez voir le Christ tout là. Ça ne peut pas faire de mal. Eh oui, mais bon. Vous savez tout le monde, hein. On va faire venir les gens. Allez voir. Alors là-haut, comment c'est pas trop beau, non? Non. Effectivement, c'est pas trop. Moi j'ai essayé de travailler avec Habitat Odor pour essayer de reprendre un projet. Pour démolir ces fameux logements, et pouvoir aménager ces personnes dans d'autres endroits, je me suis heurté à un mur, quoi. Puisque cette cité, ça aurait été que pour moi, il y a longtemps qu'elle n'existerait plus. Et, comment voulez-vous que j'entende les valeurs de la République, hein, alors qu'on a l'impression qu'on vit à part et qu'on a un autre monde, quoi. Voilà. Moi, les jeunes qui grandissent là, quel avenir ils ont ? Je suis battu, ça fait 23 ans. Et bon, ça aboutit à rien. Pour vous vouliez obtenir quoi ? Un peu de savoir-vivre. C'est tout. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Donc, il est obligé d'accepter tout ce qu'il est. C'est-à-dire ça. 55 ans. Vous vouliez être relogé ailleurs ? Non, je sais pas, peut-être quelque chose de mieux, nous dire la vérité, des trucs comme ça. Parce que nous, en fait, ici, on est bien. Vous avez peur que ce soit dangereux pour la santé ? Voilà, c'est ça. D'après eux, ils disent que non. Mais moi, j'ai un doute, c'est tout. On peut que s'incliner. En rénovant les logements, on sait que rien ne sera fait et qu'ils ne seront jamais... loger ailleurs et qu'aucune solution ne va être trouvée. Oui, ça pérennise en fait cette cité, la rénovation. C'est ça. Sédentaire ou itinérant, français, depuis des dizaines de générations ou plus récemment, ou bien étranger, quand il s'agit des nomades devenus gens du voyage, ce que veut réellement la politique, c'est d'abord circonscrire, et ensuite contrôler et surveiller. Élise Foineau, qui a vécu sur des aires d'accueil pendant des années et qui est anthropologue et historienne, fait le lien entre le carnet anthropométrique de 1912, l'internement de la Seconde Guerre mondiale, et la politique actuelle de l'accueil des gens du voyage. Elle parle d'encampement. Au début du XXe siècle, si je résume ça, on contrôle la mobilité des nomades. Donc on contrôle la mobilité en contrôlant les individus. Chaque individu est porteur d'un livret. Dans le second XXe siècle, c'est plus l'individu qui est contrôlé, c'est le groupe au moyen de lieux qui sont des lieux de stationnement dédiés et qui sont surveillés soit directement par la police, soit par des administrations locales, soit par des travailleurs sociaux qui sont censés être spécialisés dans ces populations. Donc l'histoire de ces hameaux tziganes n'a de sens que si on prend en compte les années de la Seconde Guerre mondiale et les conséquences de l'assignation à résidence et de l'internement des nomades. Puisqu'on interdit le stationnement des nomades dans la plupart des communes françaises, donc progressivement, les maires vont avoir l'idée de créer des terrains dédiés aux populations dites nomades. Et ces terrains, qui vont déjà dans les années 50, dans les années 60, être situés, comme disent les voyageurs, dans des gadous, sont les ancêtres des actuelles aires d'accueil. C'est seulement dans les années 90 que entre dans une loi l'idée que les gens du voyage doivent stationner dans des lieux dédiés. Ces lois, d'ailleurs, donc ces lois Besson 1 et 2, donc en 90 et en 2000, sont présentées comme des lois d'accueil, des lois humanistes qui permettraient aux voyageurs de stationner à différents endroits du territoire français. Quand on regarde dans le détail l'histoire de ces aires d'accueil, on se rend compte que, au contraire, c'est l'acmé d'une politique, donc les lois Besson, qui vise à enserrer dans des lieux clos des voyageurs. Alors, tout en constatant et en écrivant, il faut aussi théoriser pour pouvoir ensuite déconstruire, démonter et tenter de reprendre la main. Et c'est ce que font l'historienne et anthropologue Lise Foineau et William Acker, qui est juriste. Ils utilisent la force que donne la recherche pour militer et se faire entendre. Et un des concepts qui a émergé de leur travail, c'est celui de racisme environnemental. Et ils l'ont appliqué aux voyageurs. Ce terme-là, en fait, il a été un peu théorisé par des militants pour les droits civiques des communautés afro-américaines des États-Unis, qui se sont rendus compte que les lieux où ils vivaient, les quartiers où ils vivaient, étaient les lieux aussi les plus proches d'industries polluantes, etc. Et en fait, le concept de racisme environnemental est intéressant parce qu'il permet d'éclairer en fait les liens qui existent entre une position, une perception raciale dans la société et les nuisances environnementales, les inégalités environnementales qui nous touchent. Et ce terme-là, il a été réutilisé par le Bureau européen de l'environnement pour qualifier la situation des Roms en Europe de l'Est, qui vivent majoritairement dans des bidonvilles ou des quartiers qui sont pollués. Et en fait, je me disais, mais en fait, les aires d'accueil, c'est exactement ça. On a des lieux réservés à une partie minorisée de la population qui est stigmatisée. Ces lieux sont choisis par l'État, validés par l'État, choisis par les collectivités publiques, validés par l'État, et ils sont majoritairement pollués. Et quand je parle de racisme environnemental, je dis en fait qu'en France, quand on est gens du voyage, on a beaucoup plus de chances de se retrouver à vivre à côté d'espaces pollués que quand on est non gens du voyage. Un matin de novembre glacial, on tente de retrouver Émile Schetz, responsable de l'association familiale pour les gens du voyage en Île-de-France, qui nous attend sur le terrain où il vit avec sa famille et d'autres familles à Tremblay en France. Un terrain dont il attend d'être relogé depuis 18 ans, un petit triangle coincé entre une voie rapide et l'aéroport de Roissy. Mais en fait, on tourne en rond, on n'arrive pas à trouver l'endroit, il n'y a pas d'adresse et aucune indication nulle part. Merci beaucoup de venir nous chercher. Oui, non, c'est parce que je vous fais rentrer parce que vous allez faire demi-tour sur le parking là. Et nous, on est carrément de l'autre côté de la butte là. Ok. Oui, c'est pas compliqué, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'accès. Oui, il n'y a pas d'accès. Là, nous, on a fait un petit accès à pied, mais il y a de la boue alors. Il faut faire carrément le tour. Oui, mais il n'y a pas d'adresse, c'est périphérique sud, il faut prendre, nous on connaît la route, comme on dit, des fois un docteur ou une ambulance. Non, vous faites comment dans ces cas-là? On leur dit périphérique sud, derrière le funérarium, ils arrivent à trouver quand même, avec le GPS. Mais plus souvent, on fait comme ça, on les attend ici, puis on leur explique qu'il faut faire tout le grand tour. Ben voilà, quand on est rentré sur ce terrain-là, là, c'était carrément de la terre. On n'avait pas le choix, on a rentré quand même. Et tout, vous voyez, il y a des avions, mais bon, encore celle-là, voilà, elle n'est pas méchante. Ça décolle, là. Voilà. Vous êtes à côté d'un champ? Là, c'est un agriculteur. Là, il a coupé il n'y a pas longtemps encore. Là. Il doit y avoir des engrais, du coup, des pesticides. Ouais, ou des... Ben oui, parce que quand il en met, là, il y en a qu'on sent rien, mais il y a des fois on sent. Et puis, ça dépend comment il vient le vent. Voilà, le vent, s'il part de l'autre côté, on ne sent pas. Mais s'il vient par là, c'est vrai que c'est comme le furanium, là, comme je vous ai dit. Là. Si le vent il vient par là, quand il brûle, ben, on sent. Hein. Voilà. On sent des odeurs. Alors donc là, Émile Schetz, on est donc au milieu du terrain où vous et votre famille vous êtes installés. Vous pouvez nous décrire un peu ce terrain? On part en camembert, on va dire. Hein. Il n'y a qu'une seule sortie. On a oublié de sortir sur la départementale là, qui longe l'aéroport Charles de Gaulle. C'est maintenant qu'il y a une grosse circulation depuis 4-5 ans qu'ils ont fait des usines un peu partout, là, des hangars. Et ben voilà, on est en dessous des fils électriques, vous voyez là, la haute tension. France Inter, le 2 octobre 2019. Ils sont les oubliés de l'usine Lubrizol, les gens du voyage installés avec leur caravane sur l'aire qui leur est réservée, à moins de 500 mètres des installations parties en fumée jeudi dernier. Ils ont vu les flammes, entendu les explosions, mais personne ne les a évacués. Et ils vivent depuis Mailleul de Charon sans savoir s'ils sont en danger. Debout devant sa caravane, Vanessa décrit une nuit d'enfer, des boules de feu, des flammes, des explosions. Depuis, elle ne décolère pas. À 8 h du matin, il y a l'usine à côté qui a sonné. l'alarme qui a sonné et des policiers qui sont venus pour nous dire il faut rester enfermé dans les caravanes. Il n'y a pas d'évacuation prévue. De toute façon, ici, ce n'est pas une zone habitable. On est là quand même, quoi. Donc si c'est pas une zone habitable, normalement on devrait pas être ici. Impossible de rester confiné dans des espaces aussi petits et surtout pas assez isolés. Vanessa est obligée de jeter son plein de course. Son fils Dozen témoigne, il n'a pas emporté son goûter à l'école. Les goûters, ils sentaient la fumée de l'usine. Les légumes et les fruits sentaient la fumée, mais la fumée. Depuis, tous se plaignent de maux de gorge et de mal de tête. Les pompiers sont venus sur place, mais ce n'est pas suffisant pour Pépette, c'est son surnom. Elle a 7 enfants, les plus petits sont traumatisés. Dès qu'ils ont ouvert la porte, la première chose qu'ils ont vu, c'est des grosses flammes. Et le matin, en ouvrant la porte, pour descendre dehors, ils regardent là directement. Il y a maman, il n'y a plus de fumée, il y a maman, il n'y a plus de flammes. Ça leur a fait quand même quelque chose dans la tête, ils ont peur. Alors, normalement, ils devraient venir avec un docteur et un psychologue pour venir voir les enfants et parler aux personnes. Les gens du voyage de l'ère du petit QVI envisagent maintenant de saisir la justice. William Acker. Enfin, j'ai participé à une action collective à la suite de l'incendie Lubrizol. Donc, c'est de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Donc, un site Céveso. Un site Céveso, voilà. Alors, plusieurs sites Céveso, même l'un à côté de l'autre, parce qu'à côté de l'usine Lubrizol, il y avait une autre usine aussi classée Céveso, dans une zone industrielle qui compte les installations parmi les installations les plus dangereuses de France, au pied duquel, ou en tout cas à quelques centaines de mètres, il y avait donc une aire d'accueil des gens du voyage. Donc, collectivement, on avait écrit une tribune avec, avec les habitants de cette aire d'accueil qui n'avaient pas été évacués au moment de l'incendie, qui avaient même été empêchés d'évacuer, notamment avec les caravanes, qui n'avaient pas de locaux de confinement, qui n'ont pas reçu d'aide particulière et dont la première visite, on va dire, d'agents publics sur l'aire d'accueil, ça a été le dimanche. Donc, l'incendie était le jeudi et la visite vient le dimanche pour leur demander le paiement des loyers du mois. Voilà. Et à la suite de l'apparition de cette tribune, il y a eu on a eu des échos, notamment de fonctionnaires de la direction du logement, qui jugeaient cette tribune démagogique et qui affirmaient en tout cas qu'elle était démagogique parce que dans la tribune, nous disions que les aires d'accueil en France étaient majoritairement mal localisées et polluées. Et eux nous ont rétorqué, mais vous n'avez pas les chiffres pour l'affirmer. Et donc à partir de là, je me suis dit mais il faudrait faire un inventaire de tous ces aires d'accueil pour prouver en fait qu'effectivement une majorité des aires sont polluées. Sachant que c'est un problème dont tout le monde connaît l'existence depuis plusieurs décennies. Mes propres grands-parents déjà parlaient des places désignées polluées. Puisqu'avant on ne parlait pas d'aires d'accueil, on parlait de places désignées. Mes parents en parlaient. Mes oncles en parlent. Depuis que je suis enfant, j'entends ça en fait. On entend, on dit tout le temps chez nous, si tu trouves pas l'air, cherche la déchetterie. Donc j'ai décidé de faire cet inventaire. Et les résultats, ils ont été très très vite effarants. Mais déjà, j'ai commencé par la Seine-Maritime, puisque j'ai été parti de Lubrizol. Et ensuite, j'ai égrené comme ça, de département en département, avec des chiffres qui parfois frôlaient le 100% d'air d'accueil à proximité d'une station d'épuration, d'une déchetterie, d'une décharge, d'autoroute, de sites Céveso, des endroits en fait où concrètement il arrivait que sur certains terrains on ait refusé des projets par exemple de chenilles pour chiens, mais où on mettait les voyageurs. Et en me penchant en fait sur la localisation des cartes, j'étais étonné de à quel point c'était systémique. Je me suis même étonné moi-même, puisque quand je suis arrivé à l'aire d'accueil où ma mère habitait, à ce moment-là, à Lannion, je me suis rendu compte qu'il y avait une déchetterie juste derrière. Et je me suis dit, voilà, en fait, on les voit même plus, quoi. Tellement on est systématiquement à côté. Et les chiffres aujourd'hui, c'est que plus de 7 aires d'accueil sur 10 en France sont complètement éloignées des villes, vraiment volontairement éloignées. Et que plus de 50% d'entre elles sont à proximité d'une ou plusieurs sources de nuisances environnementales ou industrielles. Et ça, quand on le rapporte en fait à l'espérance de vie des voyageurs qui est de 15 ans inférieure à la moyenne nationale, hein, on vit rarement plus de 65 ans chez nous, ça interroge. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a fait ce travail-là, collectif donc avec les habitants de l'aire d'accueil de Petit Quevilly à côté de Lubrizol, sur l'aire d'accueil, il y avait une montagne de déchets. Et ces déchets-là, en fait, étaient quasiment plus d'une tonne de déchets d'amiante sur lesquels les enfants jouaient, à proximité desquels les enfants jouaient, quoi. On n'a pas le choix, on subit que ça ne nous plaît pas, on est obligé d'accepter quelque part. Hein. Et là, je vais vous montrer un peu les toilettes là-bas qui. Et vous allez voir les écoulements, et puis ils nous ont mis une cuve. C'est mal fait, ça fonctionne très bien. Plusieurs fois, il y a eu des fuites. Ouais. Et les graviers que vous voyez par terre, c'est nous qui on les a mis. Après, bon, ils nous en ont mis un petit peu, mais nous, au départ, c'est nous qui a fait le plus. Hein. Alors, regardez, on va passer par là. Il y a combien de caravanes sur le terrain? Alors, normalement, c'est pour 12 familles. Il y a à peu près le double avec les petites caravanes des enfants ou les caravanes de cuisine. Mais on est toujours un petit peu plus. Vous voyez. Alors, regardez, le seul point d'eau, il y a un seul robinet, c'est nous qui avons mis le truc dessus pour se raccorder. Là, c'est l'électricité. Voilà. Donc c'est deux blocs avec quelques robinets, voilà. Et puis quelques prises. Ben oui, c'est ça. Mais c'est très peu pour le nombre de personnes. Bien sûr, et puis oui, il y en a une qui est défectueuse. Ben, nous, on l'a scotché, ils n'ont jamais venu la réparer. Là, c'est les toilettes. Après, ils nous ont mis des blocs sanitaires en dur. Mais on a resté 12 ans avec des WC chimiques. Et sans chasse d'eau, donc les trucs de chantier là. 12 ans on est resté. Hein. Vous voyez ? Et l'entretien, c'est tout nous qui le fait. Il n'y a personne qui vient nous aider. Hein. Voilà. Alors, une aire d'accueil, c'est une forme de parking où il y a des emplacements individuels pour les personnes tracés au sol, donc des lignes blanches. Et dans les plus récentes, on a des blocs individuels. Donc, ce sont souvent des formes d'abris de jardin avec parfois des toits en tôle, parfois des toits en dur. Où on retrouve à l'intérieur, selon l'aire d'accueil, des robinets, des prises électriques, peut-être un toilette, peut-être, si l'air est bien équipé, une douche. Plus ou moins en bon état, puisque souvent, ces réalisations sont faites, on va dire, à bas coût, ou alors mal conçues. La particularité de ces terrains, donc des aires d'accueil, c'est aussi que très souvent, et pour les plus importantes d'entre elles sont gérées, par des sociétés ou par l'État, ça dépend, par les collectivités, avec la présence sur place de gestionnaires que les voyageurs appellent souvent de gardiens. Parce que, en fait, à l'entrée de l'aire d'accueil, on retrouve le bloc du gardien, donc sa sorte de maisonnette avec un guichet d'accueil ou alors juste une fenêtre qui ouvre pour servir d'interface avec les voyageurs, qui est un peu le PC de gestion de tout l'aire d'accueil. On va payer son loyer, puisque les aires d'accueil ont la particularité aussi d'être payantes. On va régler l'eau, l'électricité. Voilà, ça ressemble en fait à un gros parking clôturé. Là aussi, la clôture, elle a une importance, parce qu'elle prend pas toujours la même forme. On a parfois du grillage, parfois des murs de 3 mètres de haut. Parfois, il n'y a pas de clôture, plus rarement. Parfois, on a mis du barbelé, l'aire d'accueil de Til. L'aire d'accueil de Saint-Amand dans le Cher, il y a eu des barbelés. Alors on a réussi à les faire enlever avec plus ou moins de temps. Et parfois les aires deviennent complètement des sortes d'espaces presque semi-carcéraux où on a des aires anti-intrusion, de la vidéosurveillance, des gardiens 24h sur 24. Et la particularité, c'est que ces installations sont bien à l'écart des villes. Et à proximité d'autres installations elles-mêmes éloignées pour d'autres raisons, comme des usines, des cimetières, des mosquées. Et ça vous coûte combien ? Ben, on a toujours payé, nous. On a toujours payé pendant 15-16 ans, on a payé. Jusqu'à temps que j'ai su vraiment que j'allais pas faire le terrain, moi j'ai fait une réunion et j'ai dit on paye plus. Les familles veulent plus payer, parce que c'est pas possible qu'on paye un endroit qui nous convient pas du tout, et puis qu'il n'est pas dans les normes. Normalement, on paye toutes les familles, on payait 3,50 euros par jour. Donc ça faisait 105 euros au mois par famille. Là, depuis un certain moment, les familles, on a dit non, c'est pas possible, il faut qu'on fasse un truc pour protester, justement. Voilà, ils disent rien, ils viennent pas rouspéter, voilà. On comprend rien du tout. Sachant que l'eau et l'électricité est payée souvent en télégestion, donc en en forfait. C'est-à-dire qu'on va payer, par exemple, pour 50 euros d'eau et d'électricité. Et une fois que la consommation est finie, le compteur ou le débit s'arrête. Il y a aussi une question du tarif de l'électricité, puisqu'ils n'ont pas accès aux tarifs sociaux de l'énergie, puisqu'également, en fait, l'énergie, le prix de l'énergie est fixé par la collectivité territoriale. Et on se rend compte que souvent, le prix de l'énergie électrique et eau sur l'aire d'accueil est plus cher que celui des premiers voisins. Et ensuite, eh bien, il y a des aires d'accueil où parfois, eh bien, il en coûte plusieurs euros par jour pour stationner. Alors ça peut aller de 60 euros par mois pour les moins chers, hein, ou pour les plus chers, à 300 ou 400 euros par mois pour un simple emplacement. Voilà. Et 300 ou 400 euros par mois pour des familles qui parfois ont besoin de deux emplacements parce qu'elles sont plus nombreuses que les autres, eh bien, ça fait tout de suite de grosses dépenses. Voilà. Et c'est pas toujours simple pour ces familles-là, qui font partie sociologiquement des voyageurs les plus défavorisés. Mais ce sont des lieux qui sont gérés par la plupart du temps des sociétés privées qui ont des délégations de services publics, qui ont réussi à avoir le marché de gestion de ces lieux en disant qu'ils sont spécialistes des gens du voyage, alors même qu'ils se sont fait connaître pour avoir mis en place un logiciel de gestion des fluides, c'est-à-dire de l'eau et de l'électricité à distance. Donc c'est comme ça qu'on arrive à saisir un marché et à devenir gestionnaire d'un lieu de vie. Donc en fait, les personnes qui gèrent les aires d'accueil, non seulement se font l'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur les personnes des gens du voyage, mais en plus de ça, ils prétendent avoir une sorte de spécialisation, de connaissance sur ces populations. Enfin, on est au 21e siècle, c'est délirant, enfin, c'est délirant. Et alors, est-ce que chaque ville est tenue d'avoir une aire d'accueil ? Alors, depuis les lois Besson, donc de 1990 et de 2000, toutes les villes de plus de 5000 habitants ont une obligation d'accueil. Ça, c'est la théorie. En pratique, il y a beaucoup de dérogations et le droit a évolué. Donc on n'est plus à l'échelle de la commune, on est à l'échelle de l'intercommunalité. Et en fait, l'intercommunalité a permis que les villes de plus de 5000 habitants ne soient plus obligées de construire des aires d'accueil, mais parfois puissent simplement se contenter d'en financer d'autres dans l'intercommunalité. Et ça a permis à beaucoup de communes de plus de 5000 habitants d'éviter à construire des aires d'accueil. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres, on est donc 32 ans après la première loi Besson, sur les 95 départements métropolitains, il n'y en a que 25 qui aujourd'hui remplissent effectivement leurs obligations. Et ce qui est aussi intéressant et important de comprendre, c'est qu'à l'échelle des 36 000 et des brouettes, des plus de 36 000 communes en France, les villes de plus de 5 000 habitants représentent à peine 5% des communes françaises. Donc déjà, même si toutes les communes de plus de 5 000 habitants construisaient effectivement une aire d'accueil, il y aurait quand même 95% des communes en France qui ne proposeraient aucun terrain. Et donc, il serait autant de zones d'exclusion pour l'habitat et l'accueil des gens du voyage. Donc, on n'habite pas où on veut. On n'habite pas où on veut. Et ce qui est encore plus pernicieux, c'est que dès lors qu'on est aux normes, donc qu'on accueille, quand on est une ville de plus de 5000 habitants, qu'on est une intercommunalité qui respecte ses obligations, on peut prononcer des interdictions de territoire sur tout le territoire en dehors des aires d'accueil. Ce qui fait qu'à l'échelle d'un territoire, 99% du territoire devient de facto inhabitable pour le voyageur. Interdit au voyageur. Interdit pour le voyageur. Et il y a certains départements, et je prends le cas des Alpes-Maritimes, dans le sud-est de la France, où il existe par exemple que 3 aires d'accueil à l'échelle du département, quand il en faudrait au moins 30. Donc il y a un département qui vraiment est champion en la matière de l'évitement de l'accueil. Et en fait, ces 3 aires d'accueil sont constamment pleines, ce qui fait que dans le département, quand on est gens du voyage et qu'on arrive dans le département, on est quasiment automatiquement en situation d'illégalité. Et ça, en termes d'accès au territoire, bah, ça pose un gros problème. Par exemple, jusque dans les années 90, les règlements intérieurs des campings municipaux en France mentionnaient explicitement l'interdiction aux gens du voyage de pénétrer dans le camping municipal. Ça a été jugé discriminatoire par plusieurs jurisprudences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les campings municipaux vont mentionner le fait que les caravanes double essieu sont interdites dans le camping municipal. Les caravanes doublécieuses sont les caravanes avec 4 roues. Et donc cette interdiction fait partie des plus mystérieuses règles des campings municipaux français, inexpliquées ou alors avec des explications toujours plus farfelues les unes les autres. Et quand on va sur le site des caravaniers et camping-caristes de France, c'est une fédération associative, eh bien il est écrit que si vous êtes cette règle en fait a été faite pour éviter que les gens du voyage viennent dans le camping municipal, et que si vous n'êtes pas gens du voyage et que vous disposez d'une caravane double essieu, eh bien vous leur écrivez, ils vous font une attestation et qui vous permettront d'entrer dans le camping municipal. Ceux-là qui arrivent, là, ça fait peur, c'est juste devant. Si ça explose, on est doucement. C'est vrai, bah parce qu'on voit vraiment, on dirait que c'est sur nous qui vient. Ouais, c'est quand ça atterrit que c'est voilà. Impressionnant. Ouais, ouais. Bah avant, on ne les voyait pas comme ça, ça l'a dû, je pense que ça a dû changer l'aéroport. Ils ont fait des travaux, on ne les voyait pas si tard. Là, on les voit juste devant chez nous, en haut. Là. Oui, quelquefois, ça l'arrive chez nous, là. Maintenant, on a un petit peu l'habitude. Ça, la vaisselle, elle bouge dans le caravane. Pas l'apprécier. À cause des avions. Ouais. L'un des principaux chantiers législatifs qu'on souhaite réouvrir, que les associations en tout cas de voyageurs souhaitent réouvrir, c'est la reconnaissance de la caravane comme logement. Puisque la caravane est reconnue comme une habitation dans le droit mais pas un logement, le problème c'est que en refusant cette catégorisation de logement, on ne rend pas possible les accès à certaines aides. Par exemple, les voyageurs n'ont pas accès aux aides au logement, puisque leur caravane n'est pas reconnue comme un logement. Ils n'ont pas non plus accès au chèque énergie. Ils n'ont pas accès à la trêve hivernale, à la protection de la trêve hivernale. Paradoxalement, si en France on a construit des aires d'accueil, on a assorti cette construction d'aires d'accueil à des interdictions de territoire. Et petit à petit, le législateur a renforcé les sanctions à l'égard des voyageurs par une augmentation des amendes, une augmentation éventuelle des qualifications de délit, etc. Et notamment la création récemment d'une amende forfaitaire délictuelle spécifique aux installations illicites qui vise les gens du voyage. Voilà. Donc c'est vraiment une amende spécifique aux gens du voyage. L'agent de police constate l'infraction, il rédige donc un PV d'infraction qui est envoyé en courrier simple aux voyageurs. Alors, il faut pour peut-être resituer la chose, les voyageurs, déjà, ont beaucoup de difficultés avec les courriers, parce que ils sont pas toujours à un seul endroit, ils ont parfois des boîtes postales, etc. Et donc, ne pas envoyer en courrier recommandé, déjà, ça pose une grosse question, c'est en courrier simple. Et ces amendes, quand elles se cumulent, on ouvre la voie sur l'ouverture d'un casier judiciaire. Et surtout, à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment comment les contester. Et c'est une amende de 500 euros par infraction. Donc on est dans des situations où les collectivités ne respectent pas le droit, n'offrent pas la possibilité de s'installer légalement, mais par contre prévoient un mécanisme de sanction. Donc on crée la sanction sans créer la possibilité d'y échapper en fait. Et les avions, il y avait les fils électriques, alors la haute tension, normalement dans les schémas, c'est interdit. Il faut être à 300 mètres de fil. Nous, on est en dessous des fils. Oui, ils passent au-dessus de nos têtes. Ah ben, en dessous de nos têtes, regardez là, et puis là, juste à côté. Il y a les poteaux, enfin les gigantesques poteaux électriques, là, il y en a trois. Et là, un quatrième ici. Quatrième. Et là, ils sont là, carrément au-dessus de notre tête. Ah oui. Et vous avez vu, quand il pleut, ben, on écoute le... Et on l'écoute... Vous voyez, on sent que c'est juste au-dessus de notre tête. Hein. Et on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a qui sont... Qu'ils ont attrapé quelque chose, on ne sait pas, hein, mais c'est pas normal d'être en dessous de ça pendant, regardez, des années qui ont passé. 18 ans, c'est inimaginable. Et vous êtes loin des écoles ? Ils sont obligés d'amener les enfants avec les voitures, obligés. Voilà. On ne peut pas aller à pied, vous avez vu comme c'est dangereux la route. Et du coup, c'est quoi, Émile Chesse, les prochaines actions que vous envisagez pour obtenir un relogement, pour obtenir le terrain définitif ? J'ai porté plainte. Depuis 18 ans, ils auraient dû faire l'aide d'accueil. Ils n'ont pas fait et qu'ils ne veulent pas le faire. Et d'après ce que j'ai écouté, ils ne veulent plus rien faire du tout. Ils veulent qu'on sorte du département. Mais l'autre département, il a les mêmes problèmes. Alors ça ne s'arrange pas. Puis dans le 93, il doit y avoir 23 terrains, il n'y en a que 8. Voilà. Compliqué pour tout le monde. Et puis l'État, les mairies, ils s'en foutent. Parce qu'ils ne bougent pas. Moi, j'ai porté plainte pour... Parce qu'ils nous ont promis au bout de 2 ans qu'on allait avoir un aire d'accueil, et puis que ça fait 18 ans qu'on ne l'a pas. On vit toujours sur une aire provisoire, et on veut l'aire définitif. Voilà, c'est ça la plainte. Je veux qu'ils respectent leurs conditions qu'ils ont mises au départ, surtout qu'ils ont trouvé le terrain, il y a eu le permis de construire en 2017, il y a eu tout ça, tout a été fait, ils ont même eu des subventions. Oui, alors les subventions, c'est pas qu'ils ont passé, mais voilà. Et voilà, ils disent, vous avez choisi votre poste, c'est parce que c'est ça leur parole. Vous avez choisi cette mode de vie, il faut subir les conséquences. Mais nous, on ne l'a pas choisi, on a été nés comme ça, on a vécu comme ça. Mais on est français, il y a une loi qui est faite pour nous, mais ils ne la respectent pas. Et à cause d'eux, c'est nous qu'on est hors la loi, on va dire. Et nous, on a toujours eu l'habitude d'être mal vus, que quelque part, on a l'habitude, donc ça nous dérange, parce qu'on n'est pas tranquille. Eh oui, c'est ça. C'est la vie du gitan. Prise de son et mixage, Florent Layani, Archivina, Mylène Touchet et Nawel Baba Ali, attaché de production, Marie-Vona Bolivier et Anaï Morales. Merci à William Acker, Lise Foineau, Laure Mouchard, Johanna Rubio, Émile Schetz, Michel Soulès et à Lénie Mauduit de la médiathèque Matteo Maximoff et aussi aux habitants de la Cité de l'Espérance à Berriac. Dans l'ombre de l'antidiganisme, 4e épisode, La politique de la décharge. Un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Gaëlle Gillon.